Elle n'est même pas au bout du monde. On n'y va pas chercher de l'or. Il n'y a pas de plage blonde. Ce n'est pas une île au trésor, mon île de France. Elle n'est pas dans le Pacifique, ni dans aucun autre océan. On peut y aller en péniche, ou bien couper à travers champs. Mon île de France, il n'y a pas de sortilège qui vous ensorcelle le cœur. L'hiver il tombe de la neige, le printemps ramène les fleurs. Mon île de France, lorsque le vent pousse ma voile sur les vagues des champs de blé, je m'arrête pour une escale à l'ombre de ces marronniers. Mon île de France, là sur un rivage de mousse, l'aventure au bout du sentier m'offre une fille à la peau douce et un coin d'herbe pour aimer. Mon île de France, adieu Tahiti, fort de France, adieu doudou et vainé, qu'elle est douce ma douce France. Depuis que je l'ai rencontrée, mon île de France, elle n'est même pas au bout du monde. On n'y va pas chercher de l'or. Il n'y a pas de plage blonde. Ce n'est pas une île au trésor. Mon île